Chapitre 39. Bêtise. Victoire sursauta dans son lit. De grands cris étaient en train de traverser tous les étages de la maison. Il ne fallut pas longtemps à maman pour allumer la lampe de la chambre. Elle ne portait qu'un peignoir de soie et ses cheveux étaient pleins de papillotes. « N'aie pas peur, ma chérie !» chuchota-t-elle en la prenant entre ses bras. Victoire n'avait pas peur. Elle n'avait plus peur depuis que père avait chassé la dame d'or et toutes ses ombres. Les yeux alourdis de sommeil, elle regarda les fausses étoiles qui clignotaient derrière la fenêtre. Elle était tout de même curieuse de connaître la cause des cris. Ça ressemblait à la voix de grand-marraine. Et si c'était bien elle? Elle semblait très en colère. « Madame Roselyne, qu'est-ce que c'est? Que vous arrive-t-il ? » Maman descendit l'escalier en serrant Victoire contre elle. Il n'y avait personne dans aucun des petits salons, personne dans la salle à manger, personne dans l'office, mais plus maman poussait de porte, plus les cris de grand-marraine faisaient mal aux oreilles. « A-t-on idée? J'aurais pu vous tuer! Vous êtes plus exaspérant qu'un tube de dentifrice !» Victoire écarquilla les yeux quand maman entra avec elle dans le fumoir. Les lampes à gaz étaient toutes en veilleuse, mais leur lumière suffisait pour y voir. Il régnait ici un désordre comme jamais Victoire n'en avait vu à la maison. Aucun meuble ne se trouvait à sa place habituelle. Le beau damier se tenait renversé, les quatre pieds en l'air. Sur le tapis, des débris de cendrier s'étaient mélangés aux pions noirs et blancs. Grand-marraine, en robe de chambre et bonnet de nuit, se dressait au milieu du fumoir avec une expression redoutable. Un de ses pieds avait perdu une pantoufle. Victoire se cramponna à maman en distinguant une ombre, accroupie derrière le sofa. « Ça débarque, sans prévenir !» s'exclama grand-marraine d'un ton scandalisé. « Ça s'invite chez les gens à pas d'heure. J'ai entendu du bruit en bas, j'ai cru un assassin !» L'ombre derrière le divan se redressa à la lumière. C'était un homme qui, en fait, n'avait absolument rien d'une ombre. Ses joues et sa barbe brillaient comme le soleil et, au milieu de tout ce feu, étincelait un grand sourire ravi. Il tenait un cigare pareil à ceux qui s'alignaient derrière les vitrines du fumoir. De son autre main, il frottait, sans réussir à le faire disparaître, une drôle d'empreinte rouge sur le front. « Madame Roselyne m'a frappée avec une spatule à gaufre. Elle est extraordinaire !» Victoire se sentit frémir de la tête aux pieds. C'était Parrain. « Comment êtes-vous entré ? » demanda maman. « Par un petit raccourci de mon cru. Je l'annulerai en partant. » Parrain montra de son cigare la grande pendule sur pied qui battait les secondes au fond du fumoir, ou plutôt qui aurait dû battre les secondes. Le balancier avait disparu sous sa vitre. À la place, Victoire crut apercevoir les pavés d'une rue sombre. « Bien, je vais préparer du thé. » Même quand on la réveillait en pleine nuit et qu'on mettait sa maison sans dessus-dessous, maman gardait toujours ses bonnes manières. « N'en faites rien, très cher. Nous avons peu de temps. » Parrain bondit par-dessus le divan pour s'asseoir sur le dossier sans se soucier de salir les coussins avec ses souliers. Son pantalon était troué de partout et il n'avait même pas pris la peine d'enfiler les bretelles par-dessus sa chemise. Son visage, son cou, ses mains, chaque morceau de peau qui débordait de ses vêtements était incroyablement coloré. Jamais Victoire ne l'avait trouvé aussi beau. « En fait, » s'esclaffa Parrain dans un nuage de cigares, « je n'ai pas le droit d'être ici. Mais vous me connaissez, n'est-ce pas? Plus on m'interdit, plus je transgresse. » Maman assit Victoire à côté d'elle sur une banquette et, d'un geste plein de grâce, posa un mouchoir sur son nez pour l'empêcher de respirer l'odeur du cigare. « Vous êtes incompréhensible, Archie. Vos explications attendront un peu, toutefois. Il me faut d'abord vous poser une question de la première importance. Avez-vous, oui ou non, passé commande d'une illusion auprès de Madame Cunégonde ?»« Quelle idée ! Pourquoi irais-je réclamer quelque chose qui me répugne ?» Parrain avait éclaté de rire, mais Victoire surprit un regard nerveux entre grand-marraine et maman. Ni l'une ni l'autre ne paraissait trouver sa réponse amusante. « Nous avons donc eu affaire à un imposteur. Quand je pense que je lui ai ouvert 10 fois ma porte et que je l'ai laissé approcher ma fille, qui que ce soit, cette personne vous cherche, Archie. Je vous tiens donc pour responsable. Vous nous avez mises toutes les trois en danger. » Sous la douceur de maman, Victoire perçut comme une dureté sans en comprendre la nature. Loin de s'amoindrir, le sourire de Parrain redoubla. Si vous avez mentionné mes activités devant cet imposteur, dit-il en appuyant mystérieusement sur ce dernier mot, vous êtes un peu responsable vous-même. Peu importe, je suis venu vous mettre toutes les trois à l'abri du dit danger. Par un sorti d'une poche, trouée elle aussi, une balle qu'il lança à Victoire d'un geste joueur. Elle pesait si lourd et elle sentait si bon. Maman la confisqua aussitôt, comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. « Une orange !» déclara Parrain. « Avant votre naissance, jeune demoiselle, on en trouvait sur toutes les tables du pôle. J'ai cueilli celle-ci il y a à peine un quart d'heure. » « Vous avez réussi !» s'étonna grand-marraine. « Vous avez trouvé Arcanterre ?»« Non, sans mal. Il nous a fallu traverser des villes, des montagnes et des forêts pour changer de correspondance entre chaque rose des vents. Et ce n'est pas simple d'arriver jusqu'à Arcanterre, en repartir est plus difficile encore. Les Arcadiens sont peut-être mes lointains cousins, ils ne m'ont pas accueilli à bras ouverts. » En déclarant cela, Parrain frotta l'empreinte de la spatule à gaufre sur son front. « Don Janus, leur esprit de famille, m'a expressément ordonné de ne pas quitter son arche et de ne plus me servir de ses roses des vents. Notez que ça n'a rien à calvaire. Il y a de superbes jardins à Arcanterre. » Victoire inspira fort le parfum que l'orange avait laissé sur ses petites mains. Montagne, forêt, jardin. Ces mots n'étaient pour elle que des gravures sombres sur les livres de la bibliothèque, mais quand c'était Parrain qui les prononçait, elle entendait ciel, arbre, oiseau. « Et vous vous êtes empressé de lui désobéir, » soupira doucement maman. « Vous avez désobéi à un esprit de famille. » « À moitié seulement, » dit Parrain. « Je suis venu jusqu'au pôle sans emprunter la moindre rose des vents. » Ça m'a réclamé beaucoup de temps et d'efforts, mais je suis parvenu à invoquer un raccourci entre nos deux arches. Il ne tiendra pas très longtemps, aussi rassemblez vite vos affaires. » Grand-marraine colla son nez à la vitre de la pendule et essuya la buée qui empêchait de voir les pavés. « Vous voulez dire que ceci ?»« Non, c'est juste le coin de la rue, madame Roseline. Mon raccourci pour Arcanterre se trouve dans un autre quartier de la Citatielle. » « Allons, je vous épargne un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Nous ne sommes pas à une petite promenade près, non ?»« Pourquoi diantre voulez-vous nous emmener là-bas ?» Archibald ramassa la pantoufle que grand-marraine avait perdue et s'en servit comme d'un éventail. « Soleil, café, fruits, épices. Je vous sers le paradis sur un plateau et ces dames rechignent. » Il y eut un silence plus lourd encore que l'orange posé sur le peignoir en soie de maman, si lourd que Parrain lui-même perdit soudain toute sa légèreté. Il écrasa longuement son cigare dans un cendrier. Sa bouche possédait toujours ce petit pli malicieux dont Victoire raffolait, mais sa voix fut très sérieuse quand il reprit la parole. « L'imposteur auquel vous avez eu affaire est un mégalomane. Il a mis dans sa poche la quasi-totalité des institutions politiques. Et je ne mentionne pas son aptitude à assimiler puis à reproduire les pouvoirs familiaux de tous ceux qui croisent sa route. Des hommes sont morts, et j'ai bien failli y rester moi-même, parce qu'un baron voulait lui faire plaisir. Ce n'est certainement pas un cas isolé. Il n'existe qu'un endroit au monde, un seul, sur lequel ce mégalomane n'a pas encore réussi à mettre le grappin. Arcanterre. Et j'ai enfin compris ce qu'il y cherche et pourquoi les Arcadiens l'en tiennent éloigné. » Il y eut une étincelle de lumière au milieu de la barbe de Parrain quand son sourire dévoila ses dents. « Mes cousins détiennent, voyez-vous, un pouvoir des plus fascinants. Avez-vous déjà entendu parler des agouras ?» Parrain avait prononcé « agouras » avec un grand raclement de gorge. Grand-marraine fronça les sourcils, maman se tint silencieuse, Victoire n'avait pas bien compris la question, mais elle réalisa que ni l'une ni l'autre n'en connaissait la réponse. « On les appelle aussi aiguilleurs, » dit Parrain. « Il s'agit d'une ramification de l'arbre généalogique des Arcadiens. Je ne les connaissais pas moi-même avant d'en avoir rencontré, et pour cause. Ils sont extrêmement rares et extrêmement secrets. Imaginez-vous donc, mesdames, doté d'une boussole intérieure qui vous permette de trouver absolument n'importe qui, absolument n'importe où. Votre cible pourrait se cacher à l'autre bout du monde, dans la plus impénétrable des forteresses. Elle serait incapable de vous échapper. Vous y êtes ? Voilà le pouvoir des aiguilleurs. Je vous laisse imaginer à présent l'usage que ferait notre mégalomane d'un tel pouvoir. Plus personne ne serait à l'abri de son aiguille. Parrain se tut comme pour savourer son petit effet. Le seul mot que Victoire avait saisi dans ce long discours compliqué, c'était « arbre ». Ce ne devait pas être un arbre ordinaire, car maman et grand-marraine avaient l'air plutôt impressionnés. « Si j'ai trouvé Arcanter, il y arrivera aussi, tôt ou tard », ajouta Parrain en jouant avec le mégot de son cigare. « C'est pourquoi je pense qu'il faudrait nous servir du pouvoir des aiguilleurs avant lui. Et c'est là tout le problème. Les Arcadiens, à commencer par Don Janus, tiennent plus que tout à leur sacro-sainte neutralité. Ils ne veulent pas se mêler des petites affaires du monde si ce n'est pas assez lucratif. J'ai passé ma vie entière à être neutre, éducation oblige, et s'il y a bien une leçon que j'ai retenue, c'est que neutralité est une jolie façon de dire lâcheté. Arrive un moment où il faut choisir son camp, et en ce qui me concerne, je refuse d'appartenir plus longtemps à celui des marionnettes. » Maman applaudit de ses belles mains tatouées. Victoire, croyant un jeu, l'imita. « Félicitations, Archie, vous grandissez un peu. Quel est le rapport avec nous trois ?»« Je voudrais convaincre Don Janus et les Arcadiens de renoncer à leur neutralité. Mais je ne suis à leurs yeux qu'un ex-ambassadeur qui n'est le messager que de lui-même. Vous, Bérénilde, vous êtes pour ainsi dire la première dame du pôle. Votre parole a plus de poids que la mienne, et je ne parle pas de votre charme. » Parrain ouvrit les yeux en grand, des yeux plus bleus que ne l'avait jamais été le faux ciel de la maison. Victoire aurait voulu pouvoir y voler. « Non, » dit maman. « Non ?» répéta Parrain en souriant davantage. « Vous me demandez l'impossible. Si je vous suivais, je n'aurais aucune garantie de pouvoir rentrer. Et contrairement à vous, je ne prendrai jamais le risque de déclencher un incident diplomatique en désobéissant à un esprit de famille. Considérez, je vous l'ai dit et je vous le répète, Archie, poursuivit maman en coupant Parrain. Ma place est ici. J'en suis aujourd'hui plus convaincu que jamais. Notre Seigneur a besoin d'avoir sa fille auprès de lui. Il essaie de changer sa famille. Et s'il le fait, c'est parce qu'il veut lui offrir un avenir sans lutte de clans, sans conspiration et sans assassinat. Si nous partons, il oubliera pourquoi il se donne toute cette peine. » Cette fois, ce fut au tour de grand-marraine d'applaudir. Victoire, enchantée de ce petit jeu nocturne, mit un point d'honneur à l'imiter aussi. Elle se serait crue à l'une de ces représentations d'opéra que maman lui racontait quelquefois. Parrain passa le pouce sur son sourire, qui s'élargissait de plus en plus. « Le pouvoir des aiguilleurs, Bérénilde, songez-y. Persuadez-les de se mettre au service de votre cause. Ils trouveraient pour vous, monsieur et madame Thorne, en un claquement de doigts. » Victoire sentit le corps de maman se raidir près du sien sur la banquette. Quand elle leva la tête vers elle, elle aperçut une sorte de douleur sur son visage, comme si elle venait de se brûler. Mais cela ne dura qu'un court instant. Maman retrouva très vite son joli masque de porcelaine. « Je ne chercherai ni Thorne ni Ophélie tant qu'ils ne souhaiteront pas être trouvés. En revanche, je veux que eux puissent me trouver ici, le moment venu. Nous restons. « Ma fille et moi, c'est mon dernier mot. » Dès que maman eut prononcé ces paroles, très droites et très dignes, sur sa banquette, grand-marraine tendit une main autoritaire à Parrain. Après une hésitation, il lui rendit sa pantoufle. « Je n'ai jamais forcé une femme. Ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. Tant pis. Je dois vous laisser à présent. Le raccourci ne tiendra pas très longtemps. » Le cœur de Victoire se mit à battre fort quand Parrain s'agenouilla devant elle pour lui prendre la main. Son menton doré lui picora les doigts. Il lui souriait, mais d'une manière inhabituelle. Il n'y avait pas vraiment de sourire dans ce sourire-là. « J'ignore quand nous nous reverrons, jeune fille. D'ici là, ne changez pas trop, s'il vous plaît. » Victoire eut soudain très froid. Elle regarda Parrain épousseter son grand chapeau percé, puis l'agiter à trois reprises au-dessus de sa tête, comme s'il disait adieu à chacune d'elles. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas le voir partir déjà. C'était voir partir avec lui le vrai ciel, les vrais arbres et les vrais oiseaux. Elle remua les lèvres en voyant Parrain s'enfoncer dans la pendule du fumoir, mais il ne l'entendit pas. Personne ne l'entendait jamais. Sans un regard pour maman et grand-marraine, Victoire laissa l'autre Victoire derrière elle et traversa la pendule à son tour. Elle se retrouva sur les pavés d'une rue pleine de brouillard que le voyage rendait plus flou encore. Vu de l'autre côté de la pendule, le fumoir n'était plus qu'une toute petite tache de lumière au milieu d'un mur. Parrain ferma une porte puis la rouvrit. Il n'y avait plus de fumoir, plus de maison. Victoire n'avait pas peur. Elle continuait de percevoir au loin la présence de l'autre Victoire contre le corps de maman. Et puis, Parrain était là. Même s'il ne la voyait pas comme père, elle se sentait merveilleusement bien près de lui. Cette fois, elle le suivrait jusqu'au vrai ciel. Pour le moment, Parrain ne bougeait pas tellement. Il restait debout au milieu de la rue, les mains dans les poches, promenant un regard interrogatif sur le brouillard autour de lui. « Ah, tout de même !» dit-il en voyant une silhouette apparaître. « Heureusement que vous étiez supposé monter la garde. »« Cru voir quelqu'un. Fausse alerte. » Victoire reconnut le grand bonhomme tout roux. Même quand il essayait de chuchoter, sa grosse voix rebondissait dans toute la rue. « Alors ?»« Alors rien !» ricana Parrain avec un haussement d'épaule. Fut une époque où j'aurais convaincu la première venue de m'accompagner jusqu'au bout du monde. J'aurais pu utiliser mon vieux truc, dit-il en tapotant la larme noire entre ses sourcils. Mais je me suis promis de ne plus jamais le faire sur Bérénilde. Elle doit avoir raison, je commence peut-être à grandir. Quelle horreur! Victoire bondissait de pavé en pavé pour ne pas perdre de vue Parrain et le grand bonhomme tout roux. Ils marchaient très vite dans le brouillard. Leurs murmures, déformés par le voyage, ressemblaient aux bulles que font les pailles dans un verre de lait. Ils s'enfoncèrent dans une allée moins éclairée encore. Elle ne menait qu'à une impasse de briques et à des montagnes de détritus. Si Victoire avait pu sentir les odeurs en voyage, elle aurait certainement dû se boucher le nez. Ce n'était pas là le ciel qu'elle avait espéré voir. Parrain grimpa sur une caisse toute moisie qui lui permit d'atteindre la portière d'un vieux fiacre sans roue. Le grand bonhomme tout roux le regarda faire sans poser de questions. « À la bonne heure, il est toujours là !» chuchota Parrain en lui faisant signe de se dépêcher. « Avec un peu de chance, Don Janus ne se sera rendu compte de rien. » La portière venait de s'ouvrir sur une lumière vive, comme s'il y avait le feu à l'intérieur du fiacre. Le grand bonhomme tout roux dut jouer de ses épaules larges pour y entrer. Parrain vérifia d'un coup d'œil qu'il n'y avait personne dans l'impasse, ne remarqua pas la petite fille juste sous son nez, et s'y glissa à son tour. Sans la moindre hésitation, Victoire sauta dans la lumière avec lui. Pendant un instant, elle ne vit plus rien, ni lumière, ni obscurité. Un jour, grand-marraine avait déchiré la manche de sa robe en s'accrochant à la poignée du salon. Victoire eut la sensation d'être, comme la manche de grand-marraine, coupée en deux. Cette douleur-là, pourtant, ne lui fit pas vraiment mal, et la seconde suivante, elle cessa déjà d'y penser. Elle ne voyait plus que le ciel au-dessus d'elle, un ciel absolument gigantesque, un ciel qui ne se contentait pas d'être bleu, mais aussi rouge, mauve, vert et jaune, avec un soleil éblouissant et de grands tourbillons d'oiseaux, le vrai ciel. Même déformé par le voyage, c'était la plus belle chose que Victoire avait jamais vue de toute sa petite vie. « Je vous l'avais dit que c'était une perte de temps. » Victoire se tourna vers la dame aux drôles d'yeux. Elle se tenait juste à côté d'elle, une cigarette aux lèvres dont elle soufflait la fumée avec colère. Elle aussi avait pris des couleurs depuis leur dernière rencontre. Aller là-bas, c'était prendre un risque stupide et inutile. Parrain ferma, puis rouvrit la porte d'une cabane avec de grands gestes exagérés. Voilà, fini. Plus de raccourcis. Est-il arrivé une catastrophe? Quelqu'un a-t-il seulement remarqué notre absence? C'est pas, grogna la dame au drôle d'yeux. Le chat et moi, on s'est contenté de surveiller l'orangerie pour ne laisser personne approcher votre foutu raccourci de ce côté-ci de la planète. Elle adressa un regard de reproche au grand bonhomme tout roux, mais il ne semblait pas avoir très envie de se mêler à la conversation. Il le fixait en douille qui reniflait ses gros souliers d'un air désapprobateur, comme s'il sentait que son maître avait marché sur quelque chose de pas très propre. Victoire se rendit soudain compte qu'ils se tenaient tous au cœur d'un jardin où des arbres par centaines, de vrais arbres, ployaient sous les oranges, pareilles à celles que lui avait offertes Parrain. La lumière qui régnait ici était plus puissante que toutes les lampes de la maison et toutes les illusions du parc. L'émerveillement de Victoire fut vite remplacé par un sentiment de malaise. Elle ne percevait plus la présence de l'autre Victoire au loin. « Cessons de nous morfondre, » déclara Parrain. « Passons au plan de secours. » La dame au drôle d'yeux grimaça. « Quel plan de secours, monsieur l'ex-ambassadeur ?»« Celui qu'il va nous falloir inventer pour persuader mes cousins de faire la chasse à Dieu au lieu de le fuir. » Sur ces mots, Parrain s'éloigna en s'épluchant une orange, les bretelles de son pantalon lui battant les hanches. Victoire ne savait plus du tout ce qu'elle était supposée faire. Continuer à le suivre, ne surtout plus bouger. Elle avait beau se concentrer, elle ne trouvait plus le chemin du retour. Elle n'avait jamais eu à se forcer auparavant. Revenir à la maison avait toujours été aussi naturel que se réveiller. Victoire sautilla devant la dame au drôle d'yeux dans l'espoir que son étrange pouvoir annulerait le voyage, mais cela ne changea rien. La dame au drôle d'yeux cracha un mégot qui traversa Victoire comme un nuage. « Cet imbécile ne sait pas du tout ce qu'il fait. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle au grand bonhomme tout roux. « T'as attrapé un rhume au pôle ou quoi ?» Le grand bonhomme tout roux ne lui répondit pas. Il avait cessé de fixer Andouille qui continuait de renifler ses souliers pour contempler le ciel. Il avait froncé ses gros sourcils rouges d'un air soucieux. « C'est la fin du début, ou le début de la fin. » Avec un choc effroyable, Victoire les remarqua soudain, les ombres sous les souliers du grand bonhomme tout roux.